Digit 12, activation orale, profession, masculin et féminin. Répondez selon les exemples. Par exemple, vous entendez. 1. Elle est masseuse. Et vous dites. Son mari est masseur. Ou bien vous entendez. 2. Il est enseignant. Et vous dites. Sa femme est enseignante. Allons-y. 3. Il est magistrat. Sa femme est magistrat. 4. Il est commerçant. Sa femme est commerçante. 5. Il est cinéaste. Sa femme est cinéaste. 6. Il est avocat. Sa femme est avocate. 7. Elle est violoniste. Son mari est violoniste. 8. Elle est enseignante. Son mari est enseignant. 9. Elle est femme d'affaires. Son mari est homme d'affaires.